Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir la série d'émissions autour de la philosophe Simone Veil, diffusée en décembre 2018. Aujourd'hui, l'engagement contre la barbarie. Imaginez la France immobilisée par les grèves et les manifestations. Imaginez des débordements que les forces de l'ordre peinent à contenir. Imaginez l'expression d'un mécontentement tel qu'il met en péril l'équilibre du gouvernement et le maintien de son Premier ministre. Voici le bulletin d'information du Poste parisien du 5 juin 1936. Fausse des informations qui lui auraient été communiquées par les journaux, le Poste parisien a décidé de publier lui-même ces quelques nouvelles afin que ses fidèles auditeurs puissent être tenus au courant des événements. À 16h, hier après-midi, M. Albert Sarraut remettait au président de la République la lettre de démission collective des membres du cabinet. Appelé par M. Albert Lebrun, M. Léon Blum arrivait à l'Élysée à 18h15. M. Roger Salengros, ministre de l'Intérieur, député maire de Lille, n'a pas cessé, dans la journée d'hier, de se préoccuper de l'extension des grèves dans la région parisienne et dans plusieurs départements de province. M. Roger Salengros a déclaré dans la soirée: nous entendons entrer en relation avec les représentants des syndicats affiliés à la CGT, les seules organisations auxquelles il appartient de conduire et de mener à leur terme les mouvements de cet ordre. Le député maire de Lille a ensuite procédé à une indispensable mise en garde contre toute campagne de panique. Le gouvernement, dès qu'il entrera en fonction, aura assuré, s'il se trouve compromis, le ravitaillement des grandes villes. Les mesures qu'il sera appelé à prendre seront recherchées en accord avec les organisations syndicales. Bonjour François Livonnet. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Voici le contexte dans lequel Simone Veil s'engage en France. Alors si on remplace Roger Salengros par Édouard Philippe, ce qu'on vient d'entendre pourrait avoir été diffusé en 2019. Exactement. Donc il y a des proximités, il y a des échos. Oui, c'est vrai que, espérons que ça ne se ressemble pas, parce que si tout cela aboutira à un certain nombre de conquêtes sociales heureuses, en perspective, il y a aussi la guerre, la montée des totalitarismes, et par conséquent, bien des horreurs. Mais enfin, c'est vrai, la France est une vieille terre de révolte ou de révolution, et ça ne fait pas exception. Simplement, on notera que ces événements de 36 s'inscrivent dans un contexte intellectuel extrêmement vivant, où ça pense, on réfléchit, on fait des propositions, et peut-être qu'aujourd'hui, le contexte intellectuel est plus discret, moins offensif. Bon, on y œuvre en tout cas ici tous les jours, et aujourd'hui grâce à vous et à Simone Veil, dont la voix se fait entendre chaque jour de cette semaine sur France Culture. Vous êtes professeur de philosophie, vous avez co-dirigé un Simone Veil au Cahier de Lerne, vous êtes éditeur, vous avez écrit un ouvrage sur Simone Veil qui s'appelle L'Altissime, aux éditions Le Mieux, et avec vous nous allons découvrir cette Simone Veil engagée politiquement, et on peut commencer par dire que l'engagement pour elle ne se sépare pas de sa réflexion philosophique. Il n'y a pas d'un côté les écrits philosophiques et de l'autre l'espèce de mise à l'épreuve du réel de ce qu'elle écrit par ailleurs. Non, l'engagement est pour elle une vocation, c'est son terme, et c'est le même qu'elle emploie à propos de son activité de philosophe. Oui, oui, absolument, vous avez raison d'insister sur ce point. Elle n'est pas une intellectuelle engagée au sens classique du terme, et on citera, pourquoi pas, Voltaire, Zola, etc., puis Sartre plus récemment. D'abord parce qu'elle n'agit pas en tant qu'intellectuelle, témoignant en tant qu'intellectuelle, faisant valoir son nom en tant que témoin. C'est le cas de Zola, par exemple, ou ce sera le cas de Sartre. Non, c'est dans l'anonymat, d'une certaine manière, qu'elle pousse sa réflexion philosophique jusque dans ses conséquences extrêmes, à savoir l'inscription dans l'action, l'inscription, je dirais, dans le temps, dans le siècle, au sens fort du terme. Donc, engagement, mais un engagement qui n'est chez elle jamais problématique. Il y a une conjonction de la théorie et de la pratique, une conjonction de l'engagement militant et de la réflexion philosophique ou de la réflexion idéologique. Il y a donc chez elle une manière très particulière d'être engagée. On pourrait presque dire qu'elle est plus incarnée qu'engagée, plus une incarnation qu'un engagement. Moi, j'ai envie de lui appliquer toujours une phrase que j'aime bien de Chesterton, qui dit « Toute pensée qui ne devient parole est une mauvaise pensée. Toute parole qui ne devient acte est une mauvaise parole. Et tout acte qui ne devient fruit est une mauvaise action. » Il y a chez elle cela, et on le constate constamment, et cela est une manière aussi de garder en tension ses contradictions, parce que elle est pleine de contradictions, on va en parler sans doute, et c'est parce qu'elle est pleine de contradictions que cet engagement prend une valeur tout à fait particulière. Cette série d'émissions s'appelle Simone Veil sur tous les fronts, et politiquement et en termes d'engagement politique, c'est vrai, sur tous les fronts. On l'a vu lundi dernier, elle s'est engagée à l'usine, elle a travaillé à l'usine pendant de nombreux mois. Elle va s'engager aux côtés des anarchistes pendant la guerre civile en Espagne. Elle va écrire et s'engager à sa façon aussi contre la montée du nazisme. Les accords de Munich vont créer un basculement chez elle. Elle qui était farouchement pacifiste, elle va comprendre le recours aux armes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle est à Londres, elle veut se faire parachuter pour aller lutter à main armée contre l'oppresseur sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à aller sur le front, y compris à main nue et là où les choses se passent. Elle ne se barricade pas derrière ses écrits ou sa pensée. Non, elle ne conçoit pas d'être simplement une théoricienne absorbée par les idées abstraites. Elle est évidemment là où se trouve le malheur des autres, car c'est une idée essentielle chez elle que cette idée du malheur. Elle fait remarquer, ce qui est très juste, que le malheur, qui est pourtant pas simplement la souffrance ou la déchéance, qui est une sorte d'anéantissement de soi, que le malheur est facilement invisible, on ne le voit pas. Elle s'évertue justement, et ça fait partie des injonctions de lucidité, d'être au plus près des gens qui vivent dans leur chair, justement, le malheur, l'abandon, la déréliction, tout ce que l'on veut. Mais lorsque vous parlez de 36, etc., ça commence beaucoup plus tôt, au fond, son engagement. Déjà, quand elle est étudiante, elle prépare le concours d'entrée à l'école normale. Simone de Beauvoir, dans ses mémoires, raconte qu'elle la rencontre et que on a parlé de Simone Veil comme cette femme qui pleurait parce qu'il y avait des famines en Chine. Et lorsque Simone de Beauvoir s'étonne de cela, il y a Simone Veil qui dit qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas simplement vivre paisiblement lorsque l'on sait qu'il y a des gens qui ont faim. Et Simone de Beauvoir a cette remarque dans ses mémoires d'une jeune fille rangée. Elle dit « Pour moi, ce qui est plus essentiel, c'est de savoir quel sens les gens donnent à leur vie. » Ça montre bien le décalage qu'il y a entre cette femme qu'on a appelée la Vierge Rouge, qui est un peu facile, et puis une intellectuelle beaucoup plus classique, qui mènera une vie, je dirais, plus distanciée par rapport aux urgences de l'action. Comment qualifier le positionnement politique de Simone Veil ? Elle qui lit Marx, mais qui est critique quant à la révolution comme issue de la situation actuelle, qui est à la fois très engagée mais anti-parti politique, elle en appelle à la dissolution des partis politiques, qui est anti-collectiviste et en même temps qui prône une espèce de liberté qui s'accorderait avec celle d'autrui, comment vous la qualifiez ? Oui, vous avez raison, on retrouve là les contradictions dont on parlait. Elle est à la fois syndicaliste et en même temps elle est contre le collectif, elle est révolutionnaire, mais elle est en même temps pour le dialogue social. Elle est anarchiste et en même temps elle fait de l'ordre l'un des besoins premiers de l'âme. Vous avez raison d'insister sur ces contradictions et de les maintenir en tension, de pas chercher une résolution des contradictions. Quant à la classer, c'est assez difficile. On peut simplement dire que ses adhésions au mouvement ouvrier, ses adhésions à tel et tel groupe de réflexion, elles vont plutôt vers des tendances qui appartiennent au syndicalisme révolutionnaire ou au syndicalisme anarchiste, à l'anarcho-syndicalisme. Et d'ailleurs, vous parlez de la guerre d'Espagne, elle se retrouvera dans la colonne d'Urruti, qui était une colonne anarchiste. Et dans cette colonne d'Urruti, il y avait des centuries correspondant à des contingents étrangers. Elle était dans la centurie Sébastien Faure qui est un vieil anarchiste français. Donc elle appartient à cette tradition libertaire. Mais bon, faut pas la cantonner non plus, ou l'enfermer dans cette tradition libertaire. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition libertaire ? De son point de vue à elle, c'est d'abord une critique de la logique des appareils, de la logique des partis, de cette manière qu'a le collectif d'étouffer l'individu, cette manière, au fond, de penser à la place des autres. Elle est très, très, très occupée par la nécessité, au fond, d'organiser des associations, des petits groupements libres, d'individus libres, qui peuvent faire avancer les choses. Donc, la classer dans la classification politique traditionnelle, c'est rapidement une impasse sans issue. Disons qu'elle a des positions de principe qui affirment constamment une façon d'affirmer sa liberté de penser, sa liberté d'action. Mais cette liberté de penser, cette liberté d'action, elle est toujours à relier au malheur des autres, c'est-à-dire elle est toujours à relier à un monde humain qu'elle ne perd pas de vue. Et cette liberté est indissociable d'un autre thème qui revient très souvent sous la plume de Simone Veil, qui est celui de la force. Quand elle est subie, eh bien, c'est la force de l'oppression, de l'exploitation, de la domination. Quand elle est au contraire ressaisie, c'est celle qui va permettre la libération. Écoutons un premier texte, François Livonnet, Réflexion sur la guerre. On est en 1933, c'est dans La guerre et la notion de force. Écoutez comment elle thématise ce combat-là en montrant les limites de la tentative révolutionnaire qui paraît pourtant la seule issue. Toute tentative révolutionnaire aura quelque chose de désespéré tant que nous n'apercevrons pas comment il est possible d'éviter, dans l'acte même de produire ou de combattre, l'emprise des appareils sur les masses. Car si nous savons quel système de production et de combat nous aspirons de toute notre âme à détruire, on ignore quel système acceptable pourrait le remplacer. Et d'autre part, toute tentative de réforme apparaît comme puérile au regard des nécessités aveugles impliquées par le jeu de ce monstrueux engrenage. La société actuelle ressemble à une immense machine qui apprêt sans cesse les hommes et dont personne ne connaîtrait les commandes. Et ceux qui se sacrifient pour le progrès social ressemblent à des gens qui s'agripperaient aux rouages et aux courroies de transmission pour essayer d'arrêter la machine et se feraient broyer à leur tour. Mais l'impuissance où l'on se trouve à un moment donné, impuissance qui ne doit jamais être regardée comme définitive, ne peut dispenser de rester fidèle à soi-même, ni excuser la capitulation devant l'ennemi, quelque masque qu'il prenne. Et sous tous les noms dont il peut se parer, fascisme, démocratie ou dictature du prolétariat, l'ennemi capital reste l'appareil administratif, policier et militaire. Non pas celui d'en face, qui n'est notre ennemi qu'autant qu'il est celui de nos frères, mais celui qui se dit notre défenseur et fait de nous ses esclaves. Dans n'importe quelle circonstance, la pire trahison possible consiste toujours à accepter de se subordonner à cet appareil et de fouler aux pieds pour le servir, en soi-même et chez autrui, toutes les valeurs humaines. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de la philosophe Simone Veil avec un W cette semaine. Et vous venez d'entendre un texte de Simone Veil lu par Hélène Losseur, qui dont la voix ressemble à celle de Simone Veil. On pourrait très bien l'imaginer à travers cette voix-ci. Simone Veil, qui est une des premières philosophes qui va conceptualiser le totalitarisme avant Hannah Arendt, avant Albert Camus. On va y venir dans un instant, François Livonnet. Mais c'est déjà présent dans ce texte parce qu'elle nomme ce qu'elle nomme l'ennemi absolu. C'est pas l'ennemi d'un autre pays ou même une classe sociale, c'est, dit-elle, l'appareil administratif, policier et militaire. En clair, c'est une certaine, un certain état des faits de ce qu'on appelle l'État, quand même. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est une des grandes originalités de l'analyse de Simone Veil, c'est de ne pas chercher l'origine du totalitarisme dans la culture d'un peuple, ne pas la chercher simplement dans un développement des infrastructures économiques et sociales, mais de voir l'origine du totalitarisme dans l'État, la pensée de l'État, l'État-nation, et en particulier ici, tel que la France, d'ailleurs, va le construire au XVIIe siècle, sous Louis XIV, tel qu'il va être théorisé, d'ailleurs, de façon successive. Au fond, le totalitarisme, c'est l'aboutissement d'une certaine culture de l'État, d'une certaine construction de l'État qui, dans sa verticalité, eh bien, impose aux individus, impose sa force. Il s'inscrit dans une logique de soumission, d'adhésion aveugle, de fanatisme. Et de ce point de vue-là, elle a très très bien vu les choses, avec une très grande lucidité, parce que c'est aussi se donner les moyens d'opposer à l'État des projets, des perspectives de réorganisation de la société, à partir d'autre chose que simplement une culture d'appareil. Et là, vous avez raison, ce texte est un texte lumineux, enfin qui dit des choses essentiel, à savoir que le développement, par exemple, des partis politiques qui sont liés justement à ces grands États, à ces États totalitaires. Ces partis politiques prennent eux-mêmes des formes totalitaires. C'est vrai que l'État totalitaire, c'est aussi, je dirais, le pouvoir du parti. Mais ce parti présente un certain nombre de particularités qui sont les caractéristiques mêmes d'un système totalitaire, à savoir le manichéisme, la distribution entre le bien et le mal, à savoir l'anti-individualisme. L'individu est une menace, d'une certaine façon. L'individu menace ce qui fait toute la cohésion du groupe et la force même et la dynamique du groupe. Et puis, l'utopisme, si on peut dire. C'est-à-dire ces lendemains meilleurs qui, au nom de ces lendemains meilleurs, justifieront tous les sacrifices, toutes les répressions et toutes les victimes. Mais à quel état pense-t-elle au moment où elle écrit en 1933? C'est pas l'état français, si? Non, quand elle parle des sources du totalitarisme. Elle dit la société actuelle ressemble à une immense machine qui apeurait sans cesse les hommes et dont personne ne connaîtrait les commandes. Oui. Elle regarde du côté de la Russie ou elle est. Oui, non, bien sûr. Elle regarde du côté de la Russie, elle regarde aussi de ce qui se joue en Allemagne et qui va bientôt aboutir à l'état totalitaire nazi. Non, ce que je veux dire, c'est que elle verra dans les sources de ce totalitarisme, elle ne cherchera pas une ethnisation, si j'ose dire, de ses sources, en disant c'est l'Allemagne éternelle, c'est l'esprit germanique, ou bien, voire, je sais pas, du côté des Russes. Elle va essayer de montrer une sorte de genèse de l'État moderne qui va aboutir à ce monstre qui en est, d'une certaine façon, le développement presque nécessaire, si on laisse l'État se développer par lui-même. Et est-ce qu'elle pense, elle, qui est si attentive, c'est le terme, à la relation avec autrui et au malheur d'autrui. Est-ce qu'elle pense la violence qu'il peut y avoir entre deux individus? Parce que c'est une chose de souhaiter diminuer ou atténuer la violence d'un État tout puissant sur un individu, mais elle n'est pas sans savoir qu'une société sans État serait autant, voire encore plus violente. Oui, bien sûr. Vous savez, elle aime bien citer la phrase de Thucydide, « Tout être, partout et toujours, tend à affirmer le maximum de sa puissance ». Par conséquent, l'affirmation de sa puissance, et la force est une expression de cette puissance, est quelque chose qui est inscrit, je dirais, dans le vivant, même pas simplement dans l'être humain, dans le vivant. Par conséquent, elle n'ignore pas, elle ne minimise pas les rivalités qui existent entre les individus. Simplement, une société organisée, ce n'est pas nécessairement une totalité collective soumise à une autorité venant d'en haut. Vous savez, c'est l'ordo, c'est les choses qui viennent d'en haut, qui imposent. Ce n'est pas nécessairement la fanatisation des individus. Ce n'est pas simplement de rapporter les pensées, les actions à des chimères. C'est aussi être capable de s'auto-organiser, de partager le travail de la critique. Et donc, elle ne nie pas que l'homme est un animal social. Être un animal social, c'est pas renoncer à son individualité, c'est pas renoncer à sa pensée libre. C'est au contraire peut-être lui donner sa véritable expression. Le système totalitaire, c'est un système qui tue d'une certaine manière les jaillissements de la pensée individuelle, qui tue la revendication même de la pensée critique. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau et le plus pur des miroirs. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne. Simone Veil écrit sur l'Iliade, En 1941, François Livonnet, c'est évidemment loin d'être anodin. L'Iliade ou le poème de la force, l'analyse qu'elle fait du vrai thème de ce poème, à savoir non pas les émotions, la colère, on parle souvent de la colère d'Achille, mais la force, montre à quel point pour elle le diagnostic qu'elle fait dans la société dans laquelle elle vit trouve ses sources avant même le début de l'histoire, à savoir le récit mythique de l'Iliade. Cette force-là, elle est quasiment anthropologique, n'est-ce pas ? Oui, elle est anthropologique, d'où la phrase de Thucydide tout à l'heure, que j'ai citée pour partie, parce qu'elle se complète d'un autre corps de phrase, où elle dit « partout et toujours, sauf quand il y a amour ». Donc, c'est cette confrontation de la force et de la faiblesse. D'ailleurs, c'est ce qu'elle voit dans l'Iliade. C'est cette confrontation entre la force et la faiblesse. C'est pour ça qu'il y a chez Simone Veil une sorte d'éloge de la faiblesse. Le dieu de Simone Veil, c'est un dieu faible. Ça, elle le partage un peu avec Alain. Ce dieu qui se retire. Donc, par conséquent, vous avez raison. Cette pensée de la force commande une grande partie de sa réflexion philosophique, qu'elle soit de nature purement presque métaphysique, anthropologique, politique, parce que quand on parle du totalitarisme ou quand on parle des conditions modernes, contemporaines de la production, de la situation et du sort des ouvriers dans les usines, c'est aussi la force, la cadavérisation, c'est le mot important. Et puis en même temps, il y a cette faiblesse. Alors on pourrait se dire qu'il faut constamment et de manière un peu angélique opposer la faiblesse à la force et mettre la force peut-être en échec par la dimension sacrificielle de l'être faible. On pourrait voir, par exemple, je sais pas moi, dans Gandhi, quelqu'un qui opposerait, d'une certaine manière, cette faiblesse, ce dénuement à la force de la puissance coloniale britannique. C'est pas complètement faux. Mais en même temps, il y a chez Simone Veil une pensée politique quand même beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile. Elle sait bien que face à des Panzers, face à la puissance de l'armée allemande, par exemple, on ne peut pas simplement se contenter de dénoncer la force. Il va falloir jouer des forces en contraires. Y avoir recours. En user. Et là, si vous voulez, c'est une contradiction. Agir, c'est s'inscrire dans un ensemble de contradictions. C'est-à-dire à la fois avoir des principes et être obligé de compromettre ces principes. Toute action a tendance ou tend à souiller, d'une certaine manière, celui qui agit et qui s'engage. Donc, par conséquent, c'est là où il y a un certain nombre de calculs de force. D'ailleurs, elle parle de physique de force quand elle parle de l'action politique et de l'engagement politique. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a à la fois donc les principes, cette force qui domine tout, cette force qui écrase, qui cadavérise, etc., qui transforme en corps inerte, et puis cette faiblesse admirable, peut-être évangélique. Mais il y a, d'une manière très réaliste, lorsqu'il s'agit d'agir, et vous avez raison de parler de 38, ce pivotement... où elle quitte, par exemple, le pacifisme pour s'engager, laissant le pacifisme à Alain. Et on sait bien qu'Alain finira dans des aventures un peu erratiques. C'est aussi d'essayer de définir les conditions d'une action qui soit à la fois efficace. Elle dira, par exemple, qu'elle a beaucoup plus appris de Machiavel que de Marx, de ce point de vue-là. Alors, on pourrait se dire, Machiavel, c'est le cynisme, Machiavel, c'est le réalisme politique. Bah oui. D'ailleurs, tout à l'heure, il était question de Blum. Dans un texte, elle dit, par exemple, préférer Laurence d'Arabie à Blum. C'était le bulletin d'information de 1936 qui a ouvert cette émission où Blum arrivait à aller prendre ses fonctions. Exactement, et elle dit que Blum n'avait aucun sens politique. Blum est resté peut-être au plan seul des principes, et le plan des principes montre son inefficacité pratique. Alors qu'il y a chez Laurence d'Arabie quelque chose qui peut paraître aberrant, c'est qu'il va tromper d'une certaine manière les Arabes en leur promettant ce qu'il sait qui ne sera pas tenu. Mais en même temps, il en a honte. Donc il est quelqu'un de pris dans les contradictions de l'action. Mais il faut être pris dans les contradictions de l'action pour être susceptible d'agir. Alors, quand Hitler envahit Prague, on l'a dit, elle affirme le pacifisme est devenu obsolète, donc elle comprend bien qu'il faut changer de manière d'agir. Est-ce une contradiction ou au contraire une manière d'être cohérente avec ce qu'elle affirmait, la force jusqu'au bout, la question est posée. Mais avant cela, elle n'avait pas attendu de toute façon l'arrivée du nazisme et d'Hitler officiellement nazi à ce moment-là pour retrousser ses manches, puisque En 1936, elle arrive à Barcelone aussi avec une carte de journaliste. Elle s'est arrangée pour pouvoir être présente sur place. Elle contacte les anarcho-syndicalistes de la Confédération Nationale du Travail. Elle se bat un moment à ses côtés et puis alors il y arrive une chose assez étrange. Elle a une sorte de blessure. Elle se fait ébouillanter. Elle met le pied dans une bassine d'eau bouillante, ce qui fait qu'elle doit quitter le front. Oui, d'eau, d'huile. Je crains que le machisme des combattants espagnols lui ait réservé des tâches qui étaient des tâches supposées féminines. En tout cas, c'est vrai qu'elle va être rapatriée par père et mère après avoir... Mais peu de temps après, en plus. Oui, très peu de temps après. Bon, la maladresse de Simone Veil est presque légendaire. Par conséquent, là, il y a une expression anecdotique de cette maladresse. Mais vous avez raison, elle n'a pas attendu 38 pour s'engager et pour, d'une certaine façon, revenir sur ce pacifisme. Bon, qui est un pacifisme intransigeant, mais un pacifisme qu'elle n'oppose pas à la réalité historique et sociale. Un pacifisme qu'elle va mettre en tension avec cette réalité politique et sociale. Puisque c'est de l'intérieur, d'une certaine façon, que ce pacifisme va trouver ses limites. C'est pas de l'extérieur. C'est les principes mêmes qui animent son pacifisme qui vont la conduire à abandonner ce pacifisme absolu, radical, intransigeant. Alors qu'une fois de plus, Alain, il restera enfermé jusqu'à l'aveuglement. Mais il faut noter quand même que ses expériences sur le front, que ce soit en usine, alors le front du travail, ou pendant aux côtés des Espagnols pendant la guerre civile, finalement ne durent pas très longtemps. Elle y va, mais ce ne sont pas des engagements qui durent longtemps, que ce soit à cause d'un accident ou pour d'autres raisons, c'est des expériences très brèves dont elle se ressaisit ensuite dans ses écrits. Alors là, j'ai envie de vous répondre que c'est une accusation, c'est qu'on lui fera. On lui dira, bon. Alors, moi, je voulais pas l'accuser. Mais on dira, travail en usine, ça a duré très peu de temps. Que sait-elle du sort du prolétariat? L'engagement en Espagne, ça a duré finalement très peu de temps. En Angleterre, elle était dans un bureau, etc., etc. Moi, j'ai envie de vous répondre sur ce point deux choses. La première, c'est, jugeons d'abord, de manière critique, ce qu'elle a fait. Elle a été conséquente. Bon, il s'agit d'être conséquent. Qu'on le soit pendant 2 mois, 3 mois... Oui, au moins, elle y est allée, la différence de beaucoup d'autres intellectuels qui affirment la même chose. D'autre part, quelque chose qui me semble aussi tout à fait essentiel, il y a chez Simone Veil une affaire de chronologie. Simone Veil, elle naît en 1909. Elle meurt en 1943. En 1943... elle a écrit l'essentiel, je dirais, de son œuvre. On pourrait presque dire que son œuvre est comme achevée. Bon, je dis ça de façon un peu précipitée. Mais chez Gallimard, ce sont 16 volumes de plusieurs centaines de pages. Prenons l'exemple de Sartre, il naît en 1905. Aron naît en 1905. Simone de Beauvoir et Merleau-Ponty en 1908. À la mort de Simone Veil, ces gens sont encore à leurs chères études, si j'ose dire. Ils vont donner toute leur puissance, leur dimension après la guerre. En d'autres termes, il y a une chronologie chez Simone Veil, extrêmement concentré. Il faut contracter le temps. C'est-à-dire que le temps chez Simone Veil n'est pas le temps commun. Vous voyez, je sais pas, à 34 ans, puisqu'elle meurt à 34 ans, elle laisse une œuvre absolument considérable, ce qui ne l'empêche pas de s'engager, ce qui ne l'empêche pas de rencontrer, d'avoir des controverses avec Trotsky, par exemple. Etc. Donc c'est quelqu'un qui est totalement hors norme. Il faut juger de ses engagements à partir de cette chronologie hors norme. Parce que on ne saisit pas. Par exemple, quand elle reçoit Trotsky en 1933, elle a 24 ans. Reçoit Trotsky. Elle est rendue visite à Simone Veil. Oui, elle reçoit Trotsky chez ses parents. Trotsky est à Barbizon. Il est réfugié en France. On l'a accueilli avec une contrepartie, c'est qu'il reste discret. Elle l'invite, parce que le convoque, chez ses parents, rue Auguste Comte, à côté du jardin du Luxembourg. Les parents, la femme de Trotsky, Natalia Sedov, les gardes du corps sont dans la chambre à coucher, pendant que Simone Veil est en train de discuter avec Trotsky de la situation en Allemagne. Et c'est une discussion extrêmement virulente. Donc elle a 24 ans, Trotsky a 30 ans de plus, c'est une grande figure de la Révolution. Et elle lui adresse des objections fondamentales concernant la stratégie, par exemple, du Parti communiste allemand, et donc à travers le Parti communiste allemand du Comintern, mais également la conception de la révolution permanente, cette révolution mondiale. Elle met en cause et en accusation Trotsky, pour lequel, par ailleurs, elle a une grande admiration. Mais Trotsky élève la voix, et il y a un commentaire de Natalia Sedov, la femme de Trotsky, qui dit « Cette femme qui ose qui ose dresser des objections à Trotsky. Bon, il y a donc quelque chose qui fait qu'on est un peu en dehors de, je dirais, de la vie commune. Donc voilà, 2 mois chez elle, ça atteint une densité exceptionnellement dense, si j'ose dire. En 1937, elle écrit un texte qui est un clin d'œil à la pièce de Giraudoux qui a lieu à ce moment-là. Ne recommençons pas la guerre de Troie, et non pas la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et ne recommençons pas, alors elle s'adresse aux Français, aux Européens, mais aussi aux intellectuels. Elle dénonce dans ce texte la carence intellectuelle dont souffre l'époque dans laquelle elle vit. Vous avez commencé l'émission en faisant à peu près le même constat, si je vous ai bien suivi, François Livonnet, là encore un point commun. Et le texte que vous allez entendre dans un instant montre que l'opposition entre fascisme et communisme ne tient pas, car toutes deux sont des idéologies meurtrières, autant que leurs ennemis, l'antifascisme et l'anticommunisme, qui eux aussi ont en commun de vouloir tuer, d'être prêts à mourir et de vouloir tuer. On pourrait croire que ce texte a été écrit par Albert Camus. Écoutons-le. L'opposition entre fascisme et communisme est un exemple d'absurdité sanglante. Le fait que cette opposition détermine aujourd'hui pour nous une double menace de guerre civile et de guerre mondiale est peut-être le symptôme de carence intellectuelle la plus grave parmi tous ceux que nous pouvons constater autour de nous. Car si on examine le sens qu'ont aujourd'hui ces deux termes, on trouve deux conceptions politiques et sociales presque identiques. De part et d'autre, c'est la même mainmise de l'État sur presque toutes les formes de vie individuelle et sociale, la même militarisation forcenée, la même unanimité artificielle obtenue par la contrainte au profit d'un parti unique qui se confond avec l'État et se définit par cette confusion. Le même régime de servage imposé par l'État aux masses laborieuses à la place du salariat classique. Il n'y a pas deux nations dont la structure soit plus semblable que l'Allemagne et la Russie, qui se menacent mutuellement d'une croisade internationale et feignent chacune de prendre l'autre pour la bête de l'apocalypse. C'est pourquoi on peut affirmer sans crainte que l'opposition entre fascisme et communisme n'a rigoureusement aucun sens. Aussi, la victoire du fascisme ne peut-elle se définir que par l'extermination des communistes, et la victoire du communisme par l'extermination des fascistes. Il va de soi que dans ces conditions, l'antifascisme et l'anticommunisme sont eux aussi dépourvus de sens. La position des antifascistes, c'est tout plutôt que le fascisme, tout, y compris le fascisme sous le nom du communisme. La position des anticommunistes, c'est tout plutôt que le communisme, tout, y compris le communisme sous le nom de fascisme. Pour cette belle cause, chacun dans les deux camps est résigné d'avance à mourir. Et surtout à tuer. Ne recommençons pas la guerre de Troie, c'est Simone Veil qui l'écrit et Shostakovich qui le joue. Quel texte, François Livonnet ? Quel texte implacable, précis et difficilement contestable. Enfin, on peut chercher des contre-arguments, mais je ne sais pas oui, s'il existe. Oui, et puis l'extrait qui vient d'être lu est absolument admirable, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'Anna Arendt, qui a parlé du totalitarisme après la guerre, Raymond Aron, qui parlera du totalitarisme après la guerre. Là, nous sommes au milieu des années 30, hein, c'est-à-dire qu'à la fois une intelligence dans la saisie des situations, mais en même temps, cette analyse implacable, elle sera peu entendue, dans un silence assez général. Rappelons qu'il y a, à l'époque déjà, des gens qui dénoncent à la fois le totalitarisme nazi, fasciste, et le totalitarisme de type soviétique, en montrant leur nature commune. Ce sont des gens comme Souvarine, etc. On ne les entend pas. C'est même considéré comme une sorte d'alliance objective avec le fascisme que de dénoncer cette proximité. Ce sera le sujet de la brouille entre Camus et Sartre, d'ailleurs. Exactement. Mais c'est un texte qui est d'une très grande puissance, parce que parfois ça gêne de dire cela. Certains diront, mais quand même, le nazisme, c'est l'antisémitisme, c'est la Shoah, etc. D'abord, replaçons les choses historiquement. Lorsque Simone Veil écrit ce texte... En 37, la Shoah n'est pas une réalité. Si l'antisémitisme est consubstantiel au nazisme, elle le dit d'ailleurs dans certains un texte dès des textes de 32, d'ailleurs, elle le voit très clairement, il suffit de dire Mein Kampf. Mais elle dit que, quant à la nature du totalitarisme, on a affaire à un même phénomène. Et que par conséquent, cette distinguo dans la façon de s'y opposer, en maintenant des logiques idéologiques dépassées, parce que c'est cela qui se passe, c'est que face à un phénomène nouveau, et qui, en tant que phénomène nouveau, présente un danger, je dirais, mondial, c'est-à-dire un esclavage généralisé, une politique de conquête, on parlait de la force tout à l'heure, le triomphe de la force sous sa forme de colonisation. Eh bien, les répliques politiques, les répliques idéologiques sont totalement inadéquates, sont d'une grande pauvreté et sont même assez consternantes. Donc, là aussi, Simone Veil est en avance. Elle voit les choses avec une acuité absolument remarquable. Elle analyse le principe totalitaire. Elle n'utilise pas d'ailleurs le mot. Non. D'ailleurs, il faut se rappeler que le mot totalitaire, c'est un mot qui a été employé d'abord positivement par Mussolini. Il a une charge positive d'abord. Tout dans l'État, rien hors de l'État, ça deviendra un terme péjoratif après la guerre avec Anna Arendt, etc. Là, elle analyse ce phénomène en montrant à la fois la singularité et la monstruosité dans sa capacité de déploiement, d'auto-déploiement et finalement de généralisation. Il y a là quelque chose d'assez terrifiant. Oui, mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est quand on entend le texte qu'on a entendu juste avant qui montre que toute forme d'État a quelque chose de totalitaire et cette analyse précise du fascisme et du communisme. Parce qu'au fond, on peut se demander, mais si pour Simone Veil, l'État est en lui-même problématique, alors le fascisme et le communisme ne sont que des modalités de la violence que l'État exerce sur l'individu. Et là, ça peut être gênant parce qu'il y a une différence entre, enfin, j'imagine, entre ce que la violence que toute forme d'État, même libérale et même respectueux de la vie privée, peut imposer à un individu et le fascisme et le communisme. Donc là, il faut introduire évidemment des distinctions. Mais en l'occurrence, ce qu'elle dit, c'est que si on laisse l'État à lui-même, comme un organisme vivant, si j'ose dire, se déployer ses potentialités, eh bien, on aboutit à cette forme monstrueuse d'État qui est l'État totalitaire. Alors, il est clair que la démocratie politique, la démocratie représentative, que tout un courant venant des Lumières va essayer de mettre en place dans l'État, par la séparation des pouvoirs, on pourrait se référer ici à Montesquieu, etc. Mais il n'empêche que ce qu'elle essaie de montrer, c'est qu'il ne faut pas penser le totalitarisme simplement à partir de l'idéologie ou à partir de l'économie, par exemple, je sais pas, du capitalisme, mais qu'il faut en faire une analyse politique. Et que cette analyse politique, elle suppose de voir le totalitarisme d'abord comme une sorte d'expansion et de radicalisation de l'État. C'est ça, c'est qu'il est intrinsèque à l'État, il est consubstantiel de l'État, c'est ça qui est assez effrayant. L'État, pour elle, l'État est une incarnation, justement, de cette force qui opprime. L'État est par essence oppressif. En tant que tel, elle s'inscrit dans une tradition libertaire. L'État est oppressif parce que l'État exerce un pouvoir dans sa verticalité et par conséquent, il est oppressif des libertés individuelles, il est oppressif des capacités individuelles. Hein. Vous savez, il faut la distinction latine entre le ordo et le possum, entre l'ordo qui est le pouvoir qui vient d'en haut, puis le possum qui est la capacité, la possibilité pour chacun eh bien, de donner toute la mesure de son inventivité ou de sa créativité. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour s'opposer à l'État, sous cette forme monstrueuse qu'est l'État totalitaire, elle s'interroge sur le bien fondé de continuer à opposer les formes de la démocratie libérale, les formes, je dirais, qui sont celles qu'on a pu apercevoir en Angleterre, aux États-Unis ou en France, dans les bonnes périodes où cette démocratie libérale a pu s'exprimer. Il faut inventer autre chose. Il faut inventer autre chose qui non seulement s'oppose à l'État, mais le rend impossible. C'est-à-dire imaginer une sorte d'horizon, de dépérissement de l'État. Ça, c'est un vieux thème que les révolutionnaires mettaient en avant, même chez Marx, par exemple, hein, parler du dépérissement de l'État. Mais on sait très bien que dans les régimes communistes, on n'a pas assisté au dépérissement de l'État, mais à son renforcement. Donc, l'enracinement, mais je crois que vous en parlerez lors d'une autre émission. Demain, oui. L'enracinement comporte un certain nombre de pages pour essayer justement d'imaginer des formes d'organisation politique et sociale, mais aussi éthique, qui soient susceptibles eh bien, de sortir de ce risque finalement de l'État se raidissant dans sa toute-puissance. Mais alors pourquoi affirme-t-elle que l'antifascisme et l'anticommunisme sont eux aussi dépourvue de sens, parce qu'elle dit que finalement, eh bien, que ce soit fasciste ou antifasciste, communiste ou anticommuniste, chacun dans les deux camps est résigné d'avance à mourir et surtout à tuer. Oui, non, bah parce que ce qu'elle dit, si j'ai bien compris, ce qu'elle dit, c'est que quand on est antifasciste, on est en même temps anticommuniste. Elle dit que les deux ont quelque chose en commun, c'est parce que les deux, finalement, au nom d'un idéal qu'ils opposent à l'autre, l'antifasciste, au nom de l'inverse de l'idéal du fasciste, voilà, va commettre les mêmes actions. Mais il me semble que ce qu'elle dénonce n'est pas tant le totalitarisme que les moyens qui conduisent au résultat. Les moyens sont identiques. Dans les deux cas, il va falloir tuer, on est prêt à mourir et on est prêt à tuer. Oui, vous avez raison, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aveuglement qui consiste à ne pas voir qu'on a affaire à une seule et même chose. Et que par conséquent, quand on est antifasciste et qu'on épargne le communisme, comme ça a été le cas par exemple dans l'entre-deux-guerres, la gauche dans l'entre-deux-guerres antifasciste épargnait les communistes. Quand on est anticommuniste, on épargne le fascisme, considérant bien que le fascisme est un moindre mal, que le fascisme est peut-être un obstacle avec le communisme soviétique. Je crois que ce qu'elle essaie de montrer, c'est que ne pas analyser comme un phénomène commun, c'est aussi s'interdire de s'opposer, de lutter contre eux en tant que phénomène commun. Et elle va encore plus loin parce qu'elle va dénoncer, alors en 1943, dans un opuscule au titre révélateur, à propos de la question coloniale dans ses rapports avec le destin du peuple français, elle va jusqu'à comparer la colonisation aux méthodes de l'hitlérisme. Oui, alors ça, c'est bon. Là, on entre dans des choses qui sont très très délicates parce que quand elle analyse l'impérialisme hitlérien, elle peut le faire remonter à l'Empire romain. Elle verra entre Rome et Hitler des proximités, mais aussi d'ailleurs avec les Juifs. Elle les met dans le même sac, comme si on avait affaire ici à des puissances impériales qui déracinent par le glaive, comme elle dit. Donc il y a donc à la fois cette manière au fond, et puis en même temps. Elle, parce que le texte dont vous parlez, c'est le texte de 40, je crois, hein, ce texte où elle parle de l'hitlérisme et de la question coloniale. En effet, elle dit cette chose très remarquable, c'est que la nature même du totalitarisme allemand comporte une dimension impériale, une dimension impérialiste et donc coloniale, et que nous allons, nous, Français, vivre dans notre chair ce que nous avons fait subir à d'autres. C'est-à-dire que nous allons prendre la mesure de ce que c'est que ce déferlement militaire qui est en même temps déracinant, qui comporte cette dimension d'esclavage. Et donc, elle voit ici quelque chose de très fort, c'est-à-dire la possible domination, au fond, de la Terre par le nazisme. Il y a une page, une citation que j'ai pas en tête, mais je vous la résume, que d'ailleurs Régis Debray a placée en exergue d'un de ses derniers livres qui s'appelle Civilisation, où elle dit que s'il y a une victoire d'Hitler, il y aura une hitlérisation du monde. Mais s'il n'y a pas cette hitlérisation du monde, il y aura peut-être une américanisation du monde. Elle dit qu'évidemment, c'est dans la hiérarchie des craintes, c'est une hiérarchie seconde. Mais reconnaissons aussi qu'elle a vu juste. C'est-à-dire qu'il y a une autre forme d'hégémonie qui elle-même a sa dimension impérialiste et coloniale. Mais reconnaissons qu'il y a quand même une différence de degré, si ce n'est de nature. Elle dit une différence de degré, mais qui aboutit tout de même à une logique de type colonial. Mais alors, comment expliquer qu'une personne qui, comme Simone Veil, qui soit aussi réticente à toute forme de domination, qui haïsse autant la soumission, qui chérisse autant l'empathie envers le malheur des autres et qui prône avant tout la liberté, qui va même jusqu'à rejeter, enfin, considérer que l'État est totalitaire en son sein pour montrer qu'il y a toujours une forme de violence dans toute forme de mise en œuvre d'un État, peut-elle parallèlement chérir et rechercher la soumission dans ce qu'elle appelle la religion de l'esclave, qui est le christianisme? Ah oui, alors là, ça c'est bon. On en a parlé hier, mais enfin quand même, tout ce que vous dites aujourd'hui fait jaillir de manière encore plus forte ce paradoxe. Oui, mais ça fait partie de ces paradoxes comme pour le malheur, si vous voulez. Bon, le malheur, c'est à la fois la souffrance, la déchéance, l'anéantissement de l'individu, c'est ce qu'elle appelle le malheur subi. Mais en même temps, il y a une sorte, il peut y avoir une volonté d'anéantissement de soi. On parlait tout à l'heure de la faiblesse. Qu'est-ce que la faiblesse, sinon, d'une certaine manière, l'anéantissement de cet ego? Vous savez, je vous ai cité Chesterton tout à l'heure. J'invite de vous citer une autre phrase de Chesterton. Un journaliste lui demandait, mais qu'est-ce qui va mal dans le monde? Et il répondait, I am, sincerely. Voilà. je suis. Alors, il est clair que pour elle, le moi, le je, est un obstacle qui empêche d'une certaine manière cette néantisation, cette décréation, pour reprendre son mot. Alors, cette volonté devenir esclave, c'est d'abord c'est un esclavage consenti qu'il faut penser ici comme un retrait. C'est pas l'esclavage auquel on est subi. C'est pas la violence qui est exercée par un autre sur moi-même ou par un appareil sur moi-même. C'est un travail sur soi comme anéantissement de ce qui en moi peut être un obstacle entre moi et Dieu. Là, il y a toute une dimension mystique et celle de la décréation. À Dieu qui, en créant le monde, se retire, je dois d'une certaine manière répondre par cette décréation pour qu'il n'y ait plus d'espace entre moi et Dieu. Donc ici, si vous voulez, vous avez un autre paradoxe, une autre difficulté, une autre tension. Devenir un esclave, elle dit cela en contemplant le Christ crucifié. Vous savez, ce sont ces phrases quand elle dit « quand je contemple la crucifixion, je commets le péché d'envie ». Quand elle dit qu'elle préfère la crucifixion à la résurrection, etc. Ce sont des phrases très difficiles à entendre. Simplement, replaçons-nous du point de vue de cette pensée à l'œuvre, dans toutes ces tensions, dans... Il faudrait peut-être ici avoir référence à des modèles du côté de la pensée chinoise qu'elle adorait, Lao Tzu, sur les polarités. Alors, maintenant, ces contradictions, puisque finalement c'est aussi son destin et sa courte vie bien remplie, montrent que les contradictions sont parfois fécondes. Mais pointons aussi ses cohérences, et on le disait, entre son engagement réel, pragmatique, enfin disons en tout cas pratique, et ses écrits théoriques. Il y a aussi une autre cohérence entre le texte qu'on a entendu, qui fait le parallèle des totalitarismes entre le communisme et le fascisme, et la correspondance qu'elle a avec Georges Bernanos. À une occasion bien particulière, en 1938, Bernanos publie « Les grands cimetières sous la lune », dans lequel il raconte que, alors qu'il était d'abord sympathisant du mouvement franquiste en Espagne pendant la guerre civile, eh bien, suite à des opérations vraiment sanglantes auxquelles il a assisté, il est revenu sur son propre engagement, comme une forme de remords, en disant « voilà, je voulais me battre pour une idée, mais les moyens employés, là encore, c'est ce que disait Simone Veil, ont été tels que je ne peux pas continuer à me battre pour cette cause ». Simone Veil va lui écrire une lettre à Georges Bernanos en 1938, la même année, où elle raconte elle-même sa propre expérience. Elle va bien montrer, là encore, que ce qui compte n'est pas tellement peut-être le but du combat pour lequel on s'engage, que le fait de parvenir à ne pas utiliser certains moyens qui sont mortifères et conduisent à nuire à l'homme. Alors écoutez, la voix de Georges Bernanos, lors d'une conférence de Genève en 1946, qui lui aussi est prêt à ne pas sacrifier la liberté au nom de la peur, et puis ensuite le texte que Simone Veil lui adresse. Quand l'humanité restreint peu à peu, volontairement, et comme inexorablement, sa part héréditaire de liberté, elle sacrifie sa liberté à la peur qu'elle a d'elle-même. Je dis que les imposteurs totalitaires ne se proposent rien d'autre que favoriser ce renoncement, cette démission de l'humanité moyenne. J'ai reconnu cette odeur de guerre civile, de sang et de terreur que dégage votre livre. Je l'avais respiré. Je n'ai rien vu ni entendu, je dois le dire, qui atteigne tout à fait l'ignominie de certaines des histoires que vous racontez. Ces meurtres de vieux paysans, ces balilas faisant courir des vieillards à coups de matraque. Ce que j'ai entendu suffisait pourtant. Combien d'histoires se pressent sous ma plume? Mais ce serait trop long, et à quoi bon? Une seule suffira. En Aragon, un petit groupe international de 22 miliciens de tout pays prit un jeune garçon de 15 ans qui combattait comme phalangiste. Aussitôt pris, tout tremblant d'avoir vu tuer ses camarades à ses côtés, il dit qu'on l'avait enrôlé de force. On le fouilla, on trouva sur lui une médaille de la Vierge et une carte de phalangiste. On l'envoya à Durruti, chef de la colonne, qui, après lui avoir exposé pendant une heure les beautés de l'idéal anarchiste, lui donna le choix entre mourir ou s'enrôler immédiatement dans les rangs de ceux qu'il avait fait prisonnier contre ses camarades de la veille. Durruti donna à l'enfant 24 heures de réflexion. Au bout de 24 heures, l'enfant dit non et fut fusillé. Durruti était pourtant à bien des égards un homme admirable. La mort de ce petit héros n'a jamais cessé de me peser sur la conscience, bien que je ne l'ai apprise qu'après coup. Je pourrais prolonger indéfiniment de telles réflexions, mais il faut se limiter. Depuis que j'ai été en Espagne, que j'entends, que je lis toutes sortes de considérations sur l'Espagne, je ne puis citer personne, hors vous seul, qui, à ma connaissance, ait baigné dans l'atmosphère de la guerre espagnole et y ait résisté. Vous êtes royaliste, disciple de Drummond, que m'importe. Vous m'êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d'Aragon. Ces camarades que pourtant j'aimais. L'affirmation de cette affection qu'elle porte à Bernanos, pourtant très différent d'elle, ce qu'elle dit, vous êtes royaliste, disciple de Drummond, que m'importe, vous m'êtes plus proche que mes camarades des milices d'Aragon, qui eux aussi ont pu commettre des atrocités comme celles que Bernanos décrit. Voilà peut-être la philosophie de Simone Veil dans ce qu'elle a de plus efficace politiquement et anthropologiquement. C'est pas juste prôner l'amour d'eux ni la tolérance, c'est reconnaître en autrui des similitudes avec sa propre manière de fonctionner, des similitudes qui sont plutôt du côté de la paix que de celle de la violence. Oui, oui, absolument. C'est le dialogue, lettre, en fait. C'est une lettre admirable. Rappelons ce qui est anecdotique, mais ce qui a quand même un certain sens, c'est que Bernanos gardera cette lettre sur lui dans son portefeuille jusqu'à sa mort. C'est une des deux lettres que l'on retrouvera sur Bernanos. Donc il accordait à cette lettre une importance toute particulière. Oui, vous avez raison, d'un côté, tout les oppose. Quand on dit qu'il est disciple de Drummond, Drummond était un théoricien de l'antisémitisme. Elle est d'origine juive, etc., etc. Donc tout semble les opposer. On sait que Bernanos, après la guerre, aura cette phrase un peu folle, un peu ahurissante. Il dira que Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Bon. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est d'être capables de rompre avec les idéologies, de rompre avec, une fois de plus, les appareils, montrer cette liberté de l'esprit qui consiste à être capable de voir chez soi ce qu'il y a d'insupportable, et par conséquent de tendre une main éventuellement fraternelle avec quelqu'un d'éloigné pourtant. Mais c'est une lettre admirable, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors arrêtons d'en parler. Merci beaucoup François Livonnet. Merci d'être venu nous parler de Simone Veil aujourd'hui. Beaucoup. On se quitte avec une grève, mais la grève d'un orchestre. Assez, messieurs, assez. En grève. Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. C'est pas assez. Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs? Vous acceptez? C'est pas assez. Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe. Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot? C'est beaucoup trop. Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas. Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas. Bon, eh bien mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. C'est partagé. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pensée écologique, philosophie du végétal, les penseurs n'ont pas fini d'explorer la nature, de l'interroger, de la critiquer ou de s'en inquiéter. Mais auraient-ils oublié tout simplement de la regarder? Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les yeux sur cette nature bien réelle, mais propice à l'imagination. Et ce, grâce au très beau livre de Romain Bertrand, « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature » paru aux éditions du Seuil. La vie rêvée des coléoptères, le bleu des choses, le sociologue et l'oiseau, ce sont les titres qui composent les différentes parties de ce livre et qui sonnent comme autant de promesses à la contemplation. Et nous, on commence avec Rousseau et ses rêveries. Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après-midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les réduits les plus riants et les plus solitaires pour y rêver à mon aise, tantôt sur les terrasses et les tertres pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'œil du lac et de ses rivages, couronné d'un côté par des montagnes prochaines, et de l'autre, élargie en riche et fertile plaine, dans lesquelles la vue s'étendait jusqu'aux montagnes bleuâtres, plus éloignées qui la bornaient. À l'automne 1765, Rousseau, se pensant persécuté, va se réfugier sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. Mais au lieu de se plonger dans l'étude, c'est au milieu de la nature, des fleurs et des arbres qu'il trouve la paix et s'adonne à la rêverie. Mais pas pour autant à l'inaction, car c'est dans cet environnement qu'il se met en tête d'inventorier, brin par brin, toutes les plantes de l'île, sans en omettre une seule. Mais comment faire pour inventorier brin par brin toutes les plantes que l'on contemple? La question est double, comment d'une part ne rien omettre dans sa description, aucune fleur, aucune tige, aucun détail, mais comment d'autre part faire cet inventaire? Comment en fait décrire ce que l'on voit? C'est la question que peut se poser tout chercheur qui fait du terrain, qui observe, note, récolte des données et doit en rendre compte avant toute analyse. Et c'est la question que s'est posée Romain Bertrand dans son parcours et qui l'a mené à ce livre. Comment camper en une phrase le galbe d'une palme, l'échancrure d'un branchage? De quelle façon, mot à mot, rester dans le ton d'un buisson? Le peintre sait bien, lui, qu'une feuille n'est jamais seulement verte, qui use de jaune et de blanc pour rendre l'éclat de la lumière qui s'y prélasse. Et le poète aussi, comme Francis Ponge parlant de... Le mollusque est un être presque une qualité. Il n'a pas besoin de charpente, mais seulement d'un rempart. Quelque chose comme la couleur dans le tube. La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu'elle y tient en l'abritant soigneusement dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle. Ce n'est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses. Le mollusque est doué d'une énergie puissante à se renfermer. Ce n'est à vrai dire qu'un muscle, un gond, un blunt et sa porte. Si le peintre et le poète trouvent les mots, comment les trouver quand on fait de la recherche, des sciences humaines, que l'observation reste un passage obligé vers l'analyse, ou comment les trouver quand on se trouve, qui que ce soit, tout simplement face à un paysage pour le décrire? Faut-il tout dire, tout inventorier, tout herboriser comme Rousseau? Faut-il faire intervenir notre imagination comme le poète et le peintre? Et comment rester neutre quand le décor nous envahit, nous émeut, nous touche? En quoi consiste, autrement dit, la description? Qu'est-ce que décrire? À travers ces questions de méthodologie qu'il a rencontrées, qu'il a lui-même expérimentées en tant que chercheur, Romain Bertrand soulève des problématiques cruciales sur la nature. Le rapport que l'on a avec elle, pas forcément abstrait et théorique, mais aussi affectif et passionné, sur la manière de la saisir, sans en rater le moindre détail, tout en s'en tenant à ce qu'elle nous montre, à sa surface, ou encore sur la manière de la regarder et de l'écouter, tout en en faisant partie. René Char est cité en exergue. Les oiseaux libres ne souffrent pas qu'on les regarde. Demeurons obscurs, renonçons à nous, près d'eux. De manière plus large encore que la nature et notre rapport à elle, ce livre pointe nos propres manières et les interroge. Qu'est-ce que regarder et voir et dire ce que l'on regarde et ce que l'on voit? Plus qu'une simple observation, plus qu'un simple compte-rendu, plus qu'une photographie ou qu'un décor à planter, la description touche ainsi à cette manière de nous tenir au cœur d'un milieu, d'un environnement, de la nature, et nous pousse, comme René Char, à savoir comment appréhender ce qui nous entoure en renonçant à nous. Mais avant de renoncer à vous, vous pouvez lire « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature » par Romain Bertrand, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui m'a aidé à préparer cette émission avec Anaïs Isbert, Sharon Houry, Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Julien Calvac est à la prise de son aujourd'hui, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la philosophe Simone Veil avec un W. Demain, nous parlerons de son dernier ouvrage, L'Enracinement, écrit en 1943, l'année de sa mort, en compagnie de la philosophe Chantal Delsol.